Mara monkey. Mara monkey. Hey. Yes, me selecta, j'te donne mon styley. Ragamuffin, envelé mes tyree. Rude boy, écoute ça. Ils en redemandent, c'est le monkey qui kick ça. Tu prends les commandes. Yes, me selecta, j'te donne mon styley. Ragamuffin, envelé mes tyree. Rude boy, écoute ça. Ils en redemandent, c'est le monkey qui kick ça. Kick ça. On kick ça, on kiffe ça, on bouffe la prône. Ragamuffin dans le four, radical à la méthode. On dépose des bombes dans la salle, ça fait boom. C'est le madame monkey, c'est le mec au Mikey. Des tonnes, fais du bruit, puis des trolls, les divis. Je charbonne à la vue de toutes ces langues de pute. Je m'adonne à la zik, à Boston, puis revis. Microphone à l'envie de rapper comme une brute. Dans les seins, durement, mais sûrement. Batte pas mes sables, c'est l'oreille que tu dans ton poids quand je tente de m'appliquer dans mes têtes. Je t'étonne et te tarde sans insulter ta maman. Je n'abuse que des bons sons. Un peu de weed entouré de garçons qui effraient les jolies filles. Attitude sauvage, on marche dans la ville, évolue en marche. On évite la polyphique, on évite la polémique. Rien à foutre d'où tu viens, rien à foutre qui tu pries. Rien à foutre de tes biens, le message il est simple. Quand tu rentres dans la salle pour pas sonner que le dit. Ne joue pas le Batman. Hey, yes, Miss Electa, je te donne mon styley. Ragamuffin, on va les mettre Irie. Vous voyez good ça, ils en redemandent, c'est le monkey qui kick ça. Tu prends les commandes. Yes, Miss Electa, je te donne mon styley. Ragamuffin, on va les mettre Irie. Vous voyez good ça, ils en redemandent. C'est le monkey qui kick ça. Ne joue pas les esthètes, j'aime quand c'est mystique. Quand tu secoues ta tête à fond sur du gros beat. Sans scène, je transpire la zip par tous les pores. Je donne du tanim encore et encore. Écoute ma voix, te soucie pas de ma dégaine. Je mets black, blanc, beurre, ce que je donne est textuel. D'exécuter les forces, ce n'est pas dans mes gènes. Ce n'est pas dans ma nature, dans mon sang, rien de formel. Tu vas revenir te dire que tu ne dois pas tomber. Dans le pied du confort, voilà, fais ma confiance. Je reviens te dire que ils te laisseront tomber. Si t'arrêtes de consommer, en route ta conscience. Mets en route ta conscience. Faut pas Sonic, Vagabuffin, DJ. Hey. Yes, Miss Electa, je te donne mon styley. Ragamuffin, on va les mettre Irie. Rude boy, écoute ça. Ils en redemandent, c'est le monkey qui kick ça. Yes, Miss Electa, je te donne mon styley. Ragamuffin, on va les mettre Irie. Rude boy, écoute ça. Ils en redemandent, c'est le monkey qui kick ça. Tu prends les commandes. Yes, Miss Electa, je te donne mon styley. Ragamuffin, on va les mettre Irie. Rude boy, écoute ça. Ils en redemandent, c'est le monkey qui kick ça. Kick ça.